que charbonner bientôt l'été. Pas de PGP dans le GTD. Elle est loin l'époque des BTT. Mais en vrai des fois ça manque la vérité. Mon jouet j'allume. Les yeux dans le vide. Je décolle dans la zup. Je fais un tour dans la ville. Pas besoin de compter ou bien de vérifier. T'es mon frérot, je te fais confiance les yeux fermés. Je pense qu'on est à peine depuis l'année dernière. On dirait qu'on se connaît bien depuis des années. Wesh wesh la zik. Quoi tu mets la guine. Je me suis fait plaisir, j'ai pris un MacBook. J'ai pas acheté une Alime. Ça craint ces temps-ci. Fais très attention. Tu peux te faire fumer par un petit garçon. Y'a plus de principe, non non non. Y'a plus de raison. De voir, y'a rien à faire. Je reste à la maison. Ça craint ces temps-ci. Fais très attention, tu peux te faire fumer par un petit garçon. Y'a plus de principe, non, non, non. Y'a plus de raison, de voir, y'a rien à faire. Je reste à la maison. Retenir sa colère, si c'est être un homme, c'est rare comme une comète. Des innocents beaux, mais qui n'ont pas les lobes, mais des larmes sur les paumes. Les gens passent une pour les commères, qui pas des amants toujours devant ses décoller. Y'a plus d'amis avec la famille, un bande de comiques. On s'est aimé, on était petits, tout ça c'est fini. Ton amitié est polaire. J'sais pas c'est bizarre, t'es plus là quand j'suis en galère. Une impression de plus te connaître. Moi qui croyais que t'es un monde, tu m'es volé. Tu me montais, en fait tu me démontais. À présent mes amis, même sur une main, j'peux pas te les compter. J'ai voulu monter un coup pour leur démontrer. Des fois quand j'suis seul, j'me dis qu'en fait j'ai perdu mon temps. Ça craint ces temps-ci. Fais très attention. Tu peux te faire fumer par un petit garçon. Y'a plus de principe, non. Y'a plus de raison. De voir, y'a rien à faire. Je reste à la maison. Ça craint ces temps-ci.